Bien. Alors, madame, que savez-vous de notre entreprise? Vous vendez des téléphones, c'est ça? Non, pas exactement. Nous vendons du matériel informatique. Ah ouais, c'est ça, ouais. Et pourquoi voulez-vous travailler pour nous? J'ai pas de travail. Alors, je cherche. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Secrétaire. Et pourquoi avez-vous quitté votre dernier travail? C'est mon mari. Il est allé habiter avec une autre femme. Une femme de mon entreprise. Vous imaginez, au travail. Alors, je suis partie. Bien. Vous avez des questions, peut-être? Non. Merci.